posée sur la colline, sensible au poids d'une pâleur de lune, chante une indienne au regard bleu marine. L'homme que j'aime a fini de m'arracher. Chante une indienne au regard bleu marine. L'homme que j'aime a fini de m'arracher. Ne reste de lui que le souvenir d'un grand sourire, mangé de barbe brune. Chante une indienne au regard bleu marine. Qu'avait-il d'autre que force d'aimer? Chante une indienne au regard bleu marine. Qu'avait-il d'autre que force d'aimer? Les balles qui l'ont tué sont des balles indignes, comme des larmes sur la terre brune. Chante une indienne au regard bleu marine. Son sang n'en finira plus de couler. Chante une indienne au regard bleu marine. Son sang n'en finira plus de couler. L'âme de l'homme que j'aime est tranquille. Pour lui la nuit, chaque nuit sera lune. Chante une indienne au regard bleu marine. Mes seins pour lui ont fini de trembler. Chante une indienne au regard bleu marine. Mes seins pour lui ont fini de trembler. Fleur brisée sur la colline, l'homme que j'aime a fini de m'arracher. Chante une indienne au regard bleu marine, l'homme que j'aime s'appelle le Tché.